c'est mon dernier single qui s'appelle Tornade. Petite, te laisse pas enfermer, t'as toujours survécu. Petite, je te promets, c'est pas ta faute. Ce monde que t'as imaginé ne saura pas te sauver. Petite, je te promets, t'en verras d'autres. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même. Et quand tu sais plus qui tu es, tes vents t'emmènent de mauvais côté. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand t'as besoin de plier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer. Surtout n'oublie pas en toi la tornade. Et quand tu sais plus qui tu es, tes vents t'emmènent de mauvais côté. Commence à sortir la nuit, y'a personne qu'on t'interdit. Y'a des étapes qu'il faut pas que tu sautes. Tu rêves de partir.